Conte de fées en français. La princesse papillon. Il était une fois une belle princesse, avec une peau aussi pure que son âme et des yeux envoûtants dans lesquels on se perdait. Elle était célèbre dans tous les royaumes voisins, non seulement pour sa beauté, mais aussi pour son esprit et son intelligence. Plus d'un prince voulait devenir son chevalier en armure brillante. Mais sans succès. Un homme, avec une magie si puissante qu'il pouvait assécher les océans, tomba profondément amoureux de cette princesse. Le sorcier se rendit au château pour demander Skyla en mariage. « Belle princesse, je suis venu ici pour vous demander en mariage. » Mais la princesse refusa. « Tu n'en vaux pas du tout la peine. » Cela rendit le magicien fou de rage. Il l'aimait trop pour la laisser partir. Alors, il la changea en papillon. Ils disparurent dans les airs, avant que quiconque puisse réaliser ce qu'il s'était passé. Il lui fit la promesse de lui redonner son apparence si elle acceptait de l'épouser. Mais Skyla refusa quand même. « Belle princesse, pourquoi me refuser votre main ?»« Tu n'en vaux pas la peine. »« Pas la peine? Mais vous êtes un papillon. Aimez-moi et je vous changerai en humaine à nouveau. »« Jamais !» Mais une nuit, elle eut une possibilité de s'échapper. Et elle le fit. Que faudra-t-il faire, princesse, pour que vous acceptiez de... Elle est partie! Voler est fatigant. Chou! Va-t'en! L'espace d'un instant, la princesse oublia qu'elle était un papillon. Mais la princesse têtue essuya ses larmes et chargea. Oh non! Oh! Qu'est-ce que c'est? Mais qui est mon nouveau visiteur? Je suis la princesse. Quel magnifique papillon! Pourquoi as-tu des peintures de moi sur ton mur? Le peintre ne l'entendait pas. La voix de la princesse était si faible que même un moucheron ne pouvait l'entendre. Est-ce que tu regardes mes peintures de la princesse? Elle est la plus belle femme que j'ai jamais vue. Son visage hante mes rêves. Alors je la peins. Mais je suis la princesse, c'est moi. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi! Ne t'inquiète pas. Et voilà mon nouvel ami papillon. Le peintre rattrapa la princesse, ignorant que c'était celle qu'il aimait tant. Deux jours plus tard, une fois son aile réparée, le peintre libéra la princesse dans la nature. La princesse vola et vola sans savoir où aller. Seigneur, où est-ce que je vais? Elle découvrit une chute d'eau. Elle lui rappela la chute d'eau où elle avait l'habitude d'aller les soirs de pleine lune pour chanter jusqu'à ce que son cœur soit heureux. Doucement, elle commença à pleurer et murmurer une chanson triste. Elle ignorait que la chute d'eau était la maison d'une déesse. Tu as une voix vraiment merveilleuse, petit papillon. Je suis une princesse. Je t'ai entendu murmurer depuis ma chute d'eau. Murmurer? Je croyais que je chantais. La princesse n'avait toujours pas compris que le monde autour d'elle ne pouvait pas l'entendre. Les simples mortels ne peuvent pas t'entendre, alors je vais t'accorder le pouvoir de la voix. Et la voix de la princesse put de nouveau être entendue. La princesse papillon chanta pour remplir son cœur de joie. ce qui impressionna tellement la déesse qu'elle lui accorda un nouveau souhait. Ah, oh, merci beaucoup, déesse. Elle raconta son histoire à la déesse et lui demanda comme souhait qu'elle lui rende sa forme humaine. Oh, je ne peux pas faire une telle chose. Le sort qu'on t'a jeté est trop puissant pour que je puisse le renverser pour toujours. Que voulez-vous dire par « pour toujours » ? Je peux te redonner ta forme humaine, mais seulement pour 2 minutes, c'est tout. Oh, merci! Merci! Le seul vrai moyen de renverser le sort est de tuer celui qui te l'a jeté, tu comprends? C'est cet horrible magicien qui m'a fait ça, et ce n'est pas juste! Si tu peux vaincre le magicien, tu retrouveras ta forme humaine, ma chère. Elle dit à la princesse que les 2 minutes arriveront à un moment où elle en aura grand besoin. Puis, une fois les 2 minutes passées, tu redeviendras un papillon, pour toujours, si tu ne tues pas le magicien. Oui, déesse, je sais ce que je dois faire. Ah, mon cher ami papillon est revenu. Vous devez m'aider. Aidez-moi, s'il vous plaît. Je peux t'entendre parler. En quoi puis-je t'aider? Je suis la princesse Kayla. J'ai besoin de votre aide pour retrouver ma forme humaine. Mais je ne comprends pas. Comment peux-tu être la princesse? L'objet de mon amour et mon affection durant toutes ces années. Tu es juste un papillon. Un magicien démoniaque qui est amoureux de moi m'a transformée et capturée. J'ai presque pas pu échapper à son aigle et je suis arrivée ici en voulant lui échapper. Le prince était en plein dilemme. Se pouvait-il que ce papillon qui lui parlait était vraiment la princesse Kayla? Tu devras me prouver que tu es la princesse. Mais ça n'a pas de sens. Donc, je suis juste censé croire tous les papillons qui parlent et qui traînent dans ma maison? Il avait marqué un point. D'accord, très bien. Demandez-moi quelque chose que seule la princesse connaît. Allez-y. Qu'est-ce que ton père t'a offert à ton 6e anniversaire? C'est facile. Un superbe poney que je monte toujours aujourd'hui. Enfin, quand j'étais encore humaine. Correct. Oh, Seigneur. Vous êtes vraiment la princesse. Je suis si honorée de vous avoir dans ma maison. Oui, oui. Honoré, on doit se dépêcher, le magicien. Bien sûr, princesse. Mais qu'est-ce que vous faites? On doit partir maintenant. Je ne vais pas affronter le magicien à main nue, princesse. J'ai des armes et une armure ici, quelque part. Loin d'être le guerrier le plus féroce, cependant, quand il se tint devant la princesse, prêt à donner sa vie pour elle, quelque chose se passa en lui. Depuis combien de temps me peignez-vous? Depuis le jour de votre naissance. Je trouve que vous êtes un sujet de peinture fascinant. Je ne savais pas que vous deviendriez si belle en grandissant. La princesse réalisa qu'il était celui qu'elle avait cherché toute sa vie. Ne devrions-nous pas y aller, princesse? Oui, nous devons nous dépêcher pour rejoindre le château du magicien. Je vais vous guider. Ils se rendirent au château noir et sombre du magicien. Sa chambre est en bas, ok? S'il dort, peut-être qu'on pourrait le tuer avant son réveil. Espérons-le. Je ne suis pas vraiment chevalier. Arrêtez! Qui va là? Mon Dieu! Qui donc ose entrer dans ma maison? C'est la princesse Kayla et son valeureux guerrier. Cet imbécile est supposé être mon adversaire! Ah! Oh non! Ma princesse! Vous êtes redevenue humaine pour me sauver. Vous êtes mon chevalier. Vous êtes mon prince. Le voyant sur le point de mourir, le magicien eut de la peine. Qu'elle ressente ce que je ressens pour elle ou non, je ne peux pas la laisser mourir. Il est parti. Je suis humaine à nouveau. Rentrons à la maison, princesse. Ils volèrent un cheval dans l'étable du magicien et entamèrent leur route vers leur nouvelle vie. Et ils furent heureux pour toujours.